J'ai la gueule à 10 mètres sous terre. J'ai les mains qui brûlent. Je n'ai pas que ça à faire. Même si là, je recule. Je me raccroche à tout soudain. Voilà que je tombe malgré la pluie. Elle est si puissante, celle-là, que mes pieds lâchent aussi. Tant pis, je n'ai rien compris, je te le jure. Je n'y peux rien et tu sais très bien. C'est arrivé trop tôt, je t'en conjure. Mais tout va bien, tout va très bien. Tout va très bien. Tout va très bien. Ce n'est pas moi qui m'éloigne de toi, mais ce n'est pas moi qui décide de tout ça. Ce n'est pas moi qui veux rester là, mais ce n'est pas moi, ne m'en veux pas. Ce n'est pas moi qui m'éloigne de toi, mais ce n'est pas moi qui décide de tout ça. Non, non, non, non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Tu es parti et je suis bien perdu. Si c'est une blague, c'est idiot. J'aurais tout de même tant voulu que tu comprennes juste un mot. Si j'avais voulu que tu t'en ailles, j'aurais tellement fait autrement. Avec un rendez-vous et de l'ail ou d'autres choses, vraiment. Mais tout est tellement injuste. La vie est belle et pas ainsi. Dis-moi enfin si c'est juste que je t'attendrai ailleurs qu'ici. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui m'éloigne de toi. Ce n'est pas moi qui m'éloigne de toi, mais ce n'est pas moi qui décide de tout ça. Ce n'est pas moi qui veux rester là, mais ce n'est pas moi, ne m'en veux pas. Ce n'est pas moi qui m'éloigne de toi, mais ce n'est pas moi qui décide de tout ça. Non, non, non. Ne m'en veux pas. Je reste là, je ne bouge pas. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je reste là, je ne bouge pas. Ne t'inquiète pas, je suis bien là. Je reste là, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas moi qui veux rester là, ce n'est pas moi qui m'éloigne de toi. Non, non, non. Mais ce n'est pas moi qui décide de tout ça. Ce n'est pas moi, ne m'en veux pas. Ne m'en veux pas. Non, non, non, non. Ce n'est pas moi qui m'éloigne de toi. Mais ce n'est pas moi qui décide de tout ça, de tout ça. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi.